me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. L'avant-bras de Yahvé est-il court? Pourquoi le peuple se plaint-il d'avoir quitté l'Égypte, de ne pas manger de viande? Et que signifie la complainte de Moïse qui demande à Yahvé « Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ?» pour que tu m'imposes la charge de tout ce peuple. Thomas Römer, philologue, exégète, titulaire de la chaire des milieux bibliques, nous présente un récit très complexe, encadré par la convoitise, nous dit-il, un récit de double contestation dans la perspective de sa grande enquête au cœur du livre des Nombres dans le Pentateuque, pour sa série intitulée « Israël dans le désert, le livre des Nombres et l'achèvement de la Torah ». C'est le cycle des rébellions qui s'ouvre aujourd'hui, des conflits dans le désert pour une curieuse histoire de viande qui suscite la colère de Yahvé. Moïse intercède, mais se plaint de sa charge. Nous découvrons la manne, ce qui est l'occasion de rappeler la dimension mythologique de la Bible avec cette mystérieuse nourriture céleste, peut-être inventée ou peut-être inspirée d'une plante accommodée style coriandre. Dans son ouvrage « L'invention de Dieu », cet enseignant-chercheur d'origine allemande, qui se partage entre la France et la Suisse et qui a été doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, rappelle que dans l'histoire de Moïse et de l'Alliance au Sinaï, c'est un Dieu guerrier qui se manifeste dans la tempête, qui conclut un contrat avec son peuple et promet un pays à conquérir. Or, c'est la génération suivante qui accomplira ce dessein, et Moïse mourra avant d'avoir atteint la terre promise. Si ce texte du livre des Nombres présente la colère, le feu de Dieu, il présente aussi un Yahvé doté d'images féminines que Thomas Römer analyse. Il commente aussi les images de la mort et la question des 70 sages. Tout le monde peut-il être prophète? Faut-il dès lors comprendre, indique l'exégète, ce premier récit de rébellion comme une critique d'une demande de confort tout en légitimant l'institution des anciens et la démocratisation de la prophétie. Thomas Römer rappelle le débat sur la nécessité de retourner dans le pays et que la question reste ouverte sur le plan narratif. Elle est constamment posée, mais il n'y est jamais donné de réponse. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 30 mars 2017 pour la série de Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui le livre des Nombres, la chair ou l'esprit, deux récits de contestation, chapitre 11. Nous allons continuer notre enquête à travers le livre des Nombres et nous avons commencé à nous interroger sur ce texte curieux qui est un récit de double contestation où il y a à la fois un désir du peuple pour avoir de la viande et en même temps la complainte de Moïse qui trouve qu'il est trop chargé par rapport à ce peuple. Donc on a fait la traduction, je ne vais pas vous la rappeler, simplement vous rappeler que le texte actuel combine en effet ces deux thèmes. Donc le peuple est mécontent par rapport à la manne et Moïse en quelque sorte est mécontent par rapport à cette charge que Yahvé lui confie par rapport au peuple, avec une double issue. Il y aura l'esprit de Moïse qui sera reparti sur les 70 anciens qui commencent à prophétiser. Et Yahvé écoute aussi la demande de viande, mais cette demande-là aura une issue moins bien parce que avant même que le peuple puisse profiter de cette viande, on nous dit qu'il y a un grand coup qui va les frapper. Donc il y a là un issue négatif. Donc le récit, en fait, combine ces deux thèmes. Et par cette combinaison, en fait, on va avoir une sorte de complexification d'un schéma traditionnel qu'on connaît dans beaucoup de récits, qu'on appelle souvent deutéronomiste, parce qu'inspiré par la théologie du Deutéronome, à savoir le peuple désobéit, la colère divine se manifeste, un prophète, Moïse, ou un autre prophète intercède, et puis cette intercession réussit à détourner Yahvé de sa colère. Ça, c'est le schéma traditionnel. Par contre, si vous regardez ce qui se passe ici, c'est un peu plus compliqué parce que l'intervention de Yahvé ici, elle est double. Comme je vous ai dit, elle est positive par rapport à Moïse, mais négative par rapport au peuple. Et aussi, il y a une ambiguïté par rapport à l'intercession de Moïse. Parce que Moïse, en fait, intercède pas vraiment pour le peuple. Il se plaint plutôt auprès de Yahvé et il doute même de la puissance de Yahvé. Donc, c'est quelque chose de différent. Et les accusations que Moïse va formuler à l'égard de Yahvé, si vous connaissez bien votre Bible, ça vous rappelle en fait les complaintes de Job, hein, et aussi ce qu'on appelle parfois les lamentations de Jérémie. Donc c'est en fait des textes assez durs qui accusent Yahvé d'être un peu un sadique, voire un méchant. Vous allez voir ça un peu plus en détail dans un moment. Donc c'est un texte récent qui présuppose, évidemment, nous allons le voir aussi, le texte d'Exode 16, le récit de la manne, du don de la manne. Pour ceux qui ont suivi il y a quelques ans le cours sur l'Exode, vous vous souvenez peut-être, sur l'origine du don de la manne et des cailles, qui est un texte donc sacerdotal. Donc ça veut dire, si nombre 11 présuppose ce texte, ça va nécessairement un texte plus récent, un texte post-sacerdotal, et aussi un texte post-deutéronomiste, puisqu'il transforme la théorie de l'intercession deutéronomiste. On peut montrer cette idée qu'il s'agit d'un texte récent aussi par une autre comparaison. De nouveau, si vous êtes lecteur assidu de la Bible, vous savez que, en fait, il y a trois récits dans la Torah qui parle de la décharge de Moïse. Hein? Il y a Exode 18, où Moïse, en fait, est débordé par ses activités juridiques, et c'est Jéthro, son beau-père, qui lui conseille, en fait, d'établir un certain nombre de juges par groupe du peuple. Ensuite, en Deutéronome 1, c'est Moïse lui-même qui prend l'initiative, sans qu'on parle de son beau-père Jéthro. Et finalement, ici, au nombre 11, c'est Yahvé lui-même qui intervient. Si vous regardez ensuite les situations, vous vous rendez compte aussi que là, il y a des changements. En Exode 18, la situation est tout à fait concrète. Moïse se plaint pas du tout, mais il est là du matin jusqu'au soir en train de juger le peuple. Et son beau-père lui dit, mais ça va pas du tout. Tu vas te tuer à la tâche, donc il faut te faire remplacer par des juges. En Deutéronome 1, la situation est déjà un peu plus générale parce que Moïse rappelle d'abord que le peuple est devenu très grand et comment alors pourrait-il porter tout seul le peuple. Finalement, on va quand même aussi parler de l'installation des juges. Par contre, au nombre 11, est-ce qu'on parle encore du juge ? Plus du tout. Donc ce thème précis a disparu. Là, il s'agit plutôt, de manière générale, qui seront, d'une certaine manière, les successeurs de Moïse. Donc le sujet est différent. Donc ce qui montre là aussi que nous sommes de nouveau dans un texte qui présuppose les textes antérieurs, nous sommes déjà dans un esprit un peu midrashique. Je vous ai dit que le livre des Nombres, c'est aussi un peu le début même du réflexe midrashique, à savoir de prendre des traditions plus anciennes, de le réécrire, de les adapter à une nouvelle situation. Dans la version finale de ce texte, c'est en effet un texte qui exprime des oppositions entre deux dons de l'esprit à l'ensemble du peuple, représenté par les 70 anciens, et le jugement divin qui s'abat sur le peuple à la fin à cause de ses désirs de viande. Donc il y a là une opposition entre une idée idéale et la dure réalité. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu cette opposition entre la chair et l'esprit, chez Paul et d'autres. Et c'est une opposition qu'on trouve aussi dans d'autres textes de l'époque perse. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, vous avez ce qu'on appelle le deuxième Ésaïe, les chapitres 40 à 55 de ce livre, rédigé après l'arrivée des rois perses, qui en fait pensent que, en effet, l'ère du salut est arrivée. Cyrus est célébré comme le Messie de Yahvé, donc tout va être bien, nouvelle création, tout le monde va revenir. Et donc cet espoir magnifique est ensuite un peu, comment dire, modifié, une sorte de douche froide ensuite, si vous prenez les chapitres 56 à 66, où tout d'un coup on se rend compte que ce n'est pas si idéal, ce qu'on appelle le troisième Ésaïe, parfois, qui se termine en effet à la fin par une annonce de jugement en Ésaïe 66, donc avec des cadavres, des hommes qui voilà, vont jonger les rues, un peu comme en Nombre 11. Donc un peu le même esprit entre une situation idéale et une situation donc de jugement divin. Donc c'est clair que nous avons là un texte composite qui, dans sa forme déjà la plus ancienne, présuppose les textes sacerdotaux de l'Exode. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un peu plus en détail ce texte qui commence avec les pleurs du peuple. Mais le peuple est précédé par la présence d'un groupe qu'on ne sait pas très bien traduire. Ce groupe, c'est Asafsouf. Asafsouf. On traduit souvent par un ramassis. C'est en effet construire sur la racine Asav, qui joue un rôle important dans ce texte. Asafsouf, ramassis, pourquoi est-ce qu'on parle un ramassis de gens? Peut-être c'est lié à un autre texte qui a également une expression bizarre, en Exode 12, 38, où on nous dit que lors de l'Exode, il y a une population mêlée, mélangée, Erev Rav, qui montait avec les Hébreux au moment de l'Exode. Donc ça veut dire qu'il y a des gens d'autres ethnies apparemment qui montent au moment de l'Exode, qui profitent en fait de la situation pour se joindre aux Hébreux. Et pourquoi on dit ici qu'il y a ce ramassis? Parce que dans la suite du texte, ce ramassis ne revient plus du tout. Après, il n'est seulement question en fait du peuple ou des fils d'Israël. Donc, peut-être, en effet, c'est une retouche. D'ailleurs, au niveau de l'hébreu, on voit très bien que ce n'est pas la narration, c'est plutôt une sorte de remarque. C'est probablement une sorte de retouche pour ne pas accuser l'ensemble du peuple. Parce que le texte originel commencerait peut-être simplement par « les fils d'Israël s'assirent ou recommencèrent », selon la manière dont on veut vocaliser, recommencèrent ou s'assirent pour pleurer. Et quelqu'un a dit après, ben non, comme tout le monde n'est pas mort, c'est pas l'ensemble du peuple, c'est seulement un groupe spécifique, et a ajouté donc la première partie, en s'inspirant en effet de la racine Asav. Cette racine Asav joue en effet un rôle très important dans ce récit. Donc du coup, en effet, avec Asav, la question c'est autour de quoi est-ce qu'on va se rassembler? Autour du désir de bassard, de la viande, autour de l'esprit donné aux 70 anciens. En effet, le texte va construire cette alternative. D'ailleurs, la demande de viande est un peu étonnante, parce que tout le temps, on nous dit que le peuple se promène avec son petit ou gros bétail. Donc, s'ils veulent absolument la viande, rien ne les empêche de sacrifier quelques animaux et de manger la viande. Donc, comme le dit Rashi, c'est probablement l'idée d'une sorte de demande gratuite qui n'a en fait aucune nécessité, aucun fondement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi, si vous regardez la suite, lorsque le peuple énumère les nourritures magnifiques de l'Égypte, qu'est-ce qu'il énumère ? En fait, des légumes et des fruits, des pastèques, des concombres, de l'ail, et ainsi de suite. Donc, on voit, c'est un texte assez ironique. D'ailleurs, c'est plutôt, en fait, pas tellement une nourriture de festin, hein, c'est plutôt la nourriture des corvéables. Et ensuite, aussi, l'idée que nous avons mangé pour rien, chinam, pour rien, bah, ça semble aussi oublier un peu le fait que, en tant que corvéable, les Hébreux n'avaient pas tellement la nourriture pour rien. Donc, je pense en effet, ce texte, dès le début, se moque un peu de cette demande du peuple. Maintenant, dit le peuple, notre vie se dessèche. Notre vie se dessèche. Donc, nafshunu yavesha, donc être sec. Ça fait penser, en fait, à la grande vision des ossements dans le livre d'Ézéchiel, qui est construit aussi autour de cette parole du peuple qui disent « nos os sont desséchés ». Donc c'est apparemment une sorte d'adage qui a eu lieu après la destruction de Jérusalem, à l'époque de l'exil ou au début de l'époque perse où la situation était difficile, et beaucoup de gens se sont certainement dit « voilà, c'est fichu, c'est foutu, notre vie se dessèche ou nos os se dessèchent ». Donc, en Ézéchiel 37, on va utiliser cet adage pour faire cette magnifique vision des ossements qui reprennent chair et vie. Ici, on va plutôt utiliser cette citation pour dénoncer ce qui, selon l'auteur de ce texte, est en effet une revendication qui n'est pas légitime. Après cela, quelqu'un se dit « mais est-ce qu'il ne faut pas que j'explique un peu ce que c'est la manne ?» Hein ? C'est pour cela que vous avez tout un excursus qui, sans doute, ne fait pas partie du récit ancien. Quelqu'un qui va nous donner, en fait, en s'inspirant en partie d'Exode 16, un petit excursus botanique sur ce que c'est la manne. Alors on apprend que la manne était comme de la semence de coriandre, et les deux textes aussi, que ça, apparemment c'était quelque chose plutôt de sucré, hein, gâteau à l'huile ou alors pâtisserie du miel en Exode 16, et que c'était lié à la rosée, parce que pour les anciens, on imagine que la rosée tombait du ciel durant la nuit, hein, et donc on imaginait que la manne tombait avec la rosée. Alors, qu'est-ce que c'est la manne ? Dans la Bible, la manne n'est pas très, très souvent mentionnée, et souvent dans les textes assez tardifs. Et on a en fait deux tendances. On a en fait cette idée un peu dans l'Exode, dans le nombre, on décrit un peu ce que c'est, comme de coriandre, comme des ougotes, comme des gâteaux, etc. Et puis, il y a aussi une traduction qui est un peu moins naturaliste, c'est-à-dire que dans le psaume 78, on va dire en fait que la manne tombe directement du ciel, et la manne, là, est appelée le blé des cieux ou le pain des forts. Donc là, c'est pas tellement l'idée qu'il faut expliquer ce que c'est. C'est une sorte d'ambroisie hébraïque, donc une sorte de nourriture céleste qui est donnée au peuple. Et donc, cette compréhension mythologique, évidemment, vous le trouvez très fréquemment dans la mythologie grecque. Hérodote aussi parle des nourritures célestes chez les Éthiopiens, qui auraient une sorte de table du soleil où ils peuvent manger constamment et aussi les hyperboréens qui, en fait, ont chez eux des nourritures magnifiques, un climat magnifique, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur la seule lecture naturaliste de la manne. Donc, je pense que c'est aussi, évidemment, une idée mythologique. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut faire attention de lire les récits de miracles bibliques. Souvent, on le fait, mais je trouve que c'est parfois un peu malheureux, comme simplement une sorte de réinterprétation mythologique des faits naturels. C'est très à la mode, si vous prenez des revues comme Science et Vie, etc., on va vous expliquer que le plaid d'Égypte, en fait, c'est l'explosion du Santorin, et que, en fait, tout s'explique par la science. Non, ça s'explique pas par la science, c'est simplement parce que ces textes utilisent des idées mythologiques. Donc, comme on avait voulu dire aussi, 19e siècle, par exemple, pour les récits de multiplication de pain, dans les évangiles, on avait dit en fait qu'il y avait des boulangeries souterraines qui fournissaient au fur et à mesure les disciples pour qu'ils puissent en effet distribuer les paniers. Alors aujourd'hui ça nous fait rire, mais c'était toute une tendance en fait de démythologiser, ça c'était d'ailleurs un grand programme aussi pour le Nouveau Testament de Bultmann, de démythologiser les textes bibliques. Mais les textes bibliques sont des textes mythologiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut reprendre de temps à autre, évidemment, des phénomènes naturels. Par exemple, si vous prenez le récit des plaies, qu'il y a des invasions des criquets, ça, c'est tout à fait normal jusqu'à aujourd'hui. Mais de vouloir, en fait, réduire l'ensemble de ces récits de miracles à des faits scientifiques que les auteurs un peu médiocre aurait ensuite interprété comme des interventions divines, ça je crois c'est une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture qui ne rend pas compte en fait aux idées des récits bibliques qui interviennent, pour qui évidemment l'intervention divine est importante. Et donc du coup cette dimension mythologique pour la manne, vous allez le retrouver dans les textes du Nouveau Testament, lorsque Jésus lui-même dans l'évangile de Jean est présenté comme étant le vrai pain du ciel, donc à l'opposé de la manne qu'ont mangé les Israélites. L'Apocalypse va parler aussi de la manne cachée, reprenant le thème de la nourriture céleste. Et au Moyen-Âge, ça c'est intéressant aussi, vous avez un débat entre deux rabbins, en fait, pour savoir est-ce que... Et là, vous avez déjà cette opposition un peu entre lecture naturaliste et lecture mythologique. Est-ce que la manne est un miracle ? Ou est-ce que c'est pas un miracle? Donc, Ibn Ezra dit, en effet, c'est clairement un miracle, alors que Ben Meir va dire, non, c'est pas un miracle, c'est là. Ce qui est miraculeux, c'est l'abondance et la constance de la manne. Donc, je pense, on a en effet les deux concepts. On a peut-être un peu trop négligé la perspective mythologique qu'il faut, je pense, de nouveau souligner. On ne fait pas tort aux textes bibliques quand on dit qu'il s'agit de textes mythologiques. Alors, dernier détail par rapport à la manne, le fait qu'on décrit en détail les différentes manières qu'on peut utiliser, on peut le broyer, on peut le cuire, on peut faire des gâteaux, on peut faire plein de choses, c'est évidemment aussi une manière de dire que la complainte du peuple est totalement illégitime. Parce que, loin d'être monotone, vous pouvez faire plein de choses avec de la manne. Voilà, c'était l'idée de cet excursus que quelqu'un nous a ajouté à ce texte. Maintenant, Moïse écoute les plaintes du peuple et c'est Yahvé qui s'enflamme de colère. Donc Moïse ne réagit pas, on dit simplement il écoute et c'est Yahvé qui se met en colère. Donc on aura presque... puis avoir Yahvé écouta les complaintes et se met en colère. Est-ce qu'il y a là un petit trafic autour du texte? C'est difficile de savoir, mais on a l'impression, si on lit le texte tel qu'il est, que Moïse prend plutôt la partie du peuple. Hein, parce que on dit cela fut mauvais aux yeux de Moïse. Hein. Alors si on lit le texte tel que nous l'avons, c'est la colère de Yahvé qui est mauvais aux yeux de Moïse. D'ailleurs aussi, Moïse, n'exhorte pas du tout le peuple, il dit « non, non, vous inquiétez pas », comme il le fait dans d'autres endroits. Hein, il est simplement dit que Moïse trouve que tout ça, c'est « rat », mauvais. Et cela permet évidemment d'introduire, disons, le deuxième grand thème de ce texte, à savoir la complainte de Moïse. Complainte de Moïse qui est construite, en fait, assez clairement, comme l'ont remarqué beaucoup de commentateurs, comme un chiasme. Donc Moïse, maintenant, qui s'adresse à Yahvé, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ?» à ce qui correspond à la fin, « Pour que je ne va pas », et là je vais revenir là-dessus, parce que ça c'est assez dur, « Pour que je ne va pas ta méchanceté ». Deux fois on a le thème « Trouver grâce aux yeux de Yahvé », mais là presque un peu de manière cynique. « Si je trouve grâce à tes yeux, à la fin, fais-moi plutôt mourir hein ». Puis après, on a le thème de « porter » ou « la charge », et au milieu, donc, au milieu, on trouve en effet la question « Qui est le vrai responsable du peuple ?» Si vous observez bien, il y a un verset qui manque dans ce schéma. C'est le verset 13 qui, en effet, sort du schéma et qui pose la question « D'où est-ce que j'aurai de la viande ?» Ce qui, évidemment, montre que ce verset-là ne fait pas partie de ce thème de la complainte de Moïse, mais plutôt du récit des Cailles. Les accusations de Moïse, on l'a déjà vu, c'est vraiment un peu les accusations de Jérémie et de Job. Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ? Le seul parallèle possible, c'est au début de l'Exode, mais là, c'est plutôt par rapport au peuple. Pourquoi m'as-tu envoyé ? Pourquoi fais-tu du mal à ton peuple au moment où les négociations n'aboutissent pas ? Et ensuite, on va passer à une image très intéressante où, en effet, si vous prenez le verset 12, est-ce que moi qui a conçu ce peuple ou est-ce que c'est moi qui l'a enfanté ? Donc, qu'est-ce qu'il sous-entend, Moïse ? Évidemment, ce n'est pas lui. Mais si ce n'est pas lui, c'est qui ? Ben, c'est Yahvé. Et donc là, en effet, Yahvé est présenté comme une mère qui a conçu et enfanté Israël. Donc là, Yahvé, ce n'est pas le dieu barbu tel qu'on le trouve dans plein de représentations à la chapelle Sixtine et ailleurs. Là, Yahvé est une mère qui a conçu et enfanté son peuple. Et Moïse, en fait, est la nourrice. Moïse est la nourrice, bien que le terme est mis ici au masculin, hein, mais c'est quand même un terme technique utilisé pour la femme qui nourrit. Et Israël est en effet appelé ici Yonek, c'est lui qui suce, donc un bébé qui a besoin d'être allaité. C'est très intéressant. Des images féminines qui sont utilisées à la fois pour Yahvé et pour Moïse. Où est-ce qu'on trouve encore des images féminines pour Yahvé dans la Bible ? Ben vous le trouvez surtout dans le deuxième Ésaïe. Dans le deuxième Ésaïe, où, par exemple, je vous ai mis juste deux exemples, une femme oublie-t-elle son nourrisson ? Même si, ce qui n'arrive pas normalement, même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Donc Yahvé se compare en effet à une femme qui prend soin de son nouveau-né. Ou alors encore, comme un homme que sa mère reconforte, c'est moi qui vous reconforte. Il y a encore un autre texte qui me vient à l'esprit maintenant, c'est encore plus loin, c'est que Yahvé en effet se compare à une femme qui est dans les douleurs. Comme une femme en douleur, je vais vous donner une nouvelle naissance, donc pour symboliser la recréation d'Israël. Un texte aussi du Deutéronome, on peut encore le mentionner, où c'est Yahvé de nouveau qui est comparé à un rocher qui t'a engendré, donc Israël, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Donc vous avez un certain nombre de textes où Yahvé est présenté, non pas comme un dieu mâle, mais comme une déesse. Et ça vient d'où ? Ben, ça vient des textes qui, en effet, sont des textes les plus monothéistes de la Bible. Donc, dans le deuxième Ésaïe, on va, en effet, expliquer qu'il n'y a que Yahvé qui est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et donc, du coup, au moment où on a mis de côté les déesses, on est un peu obligé de se poser la question de la gestion du féminin, parce que normalement, dans un système polythéiste, pour des questions de fertilité, etc., vous avez en effet toutes sortes de déesses auxquelles on peut donc s'adresser. Au moment où vous avez un seul Dieu, qui est le Dieu unique, il ne faut pas seulement avoir des images masculines, bien que celles-ci l'ont emporté finalement, il faut aussi avoir des images féminines. Et c'est probablement dans ce contexte-là qu'il faut aussi situer nombre 11. Donc, ces images sont minoritaires dans les textes bibliques, donc finalement, c'est quand même l'image avec laquelle tout le monde a fait son éducation religieuse, donc l'image d'un dieu barbu, mâle, etc., qui l'a emporté. Mais vous voyez qu'à l'intérieur des textes bibliques, il y avait d'autres approches qui, peut-être, ne se sont pas imposées à cause du fait que les auteurs bibliques, c'est tous des hommes. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de femmes qui ont écrit des textes bibliques. C'est comme ça. Voilà. Alors, donc, ces images féminines sont donc liées à cette idée que Moïse dit à Yahvé, « Tu m'as dit, porte-le dans ton sein, comme la nourrice porte le nourrisson. » Donc là, il y a une sorte de citation. « Tu m'as dit que... » Mais si vous cherchez dans les textes bibliques l'endroit où Yahvé aurait dit ça à Moïse, vous ne le trouvez pas. Alors, soit c'est une sorte de réinterprétation de Moïse ici, où ça fait allusion à d'autres textes, parce qu'il y a deux textes où Moïse intercède pour le peuple et où, en fait, le thème, c'est toujours un peu pareil, où il insiste sur le fait que le peuple, ce n'est pas son peuple à lui. Chaque fois, Yahvé dit « Mais ton peuple a fait ceci et cela », et Moïse dit « Attention, ce n'est pas mon peuple, c'est le tien ». Donc, une sorte de match, chacun se renvoie un peu la balle, en Exode 32 et 33. Et puis, c'est probablement inspiré par ces textes-là. D'ailleurs, il y a un certain nombre de liens entre Exode 33 et Nombre 11. C'est probablement Exode 33 qui est un peu le modèle pour Nombre 11, parce que là aussi, on trouve l'attente de la rencontre, on va en parler, l'expression « aux yeux de »,« trouver grâce aux yeux de », »,« à l'intérieur »,« Bekeref », etc. Donc, c'est possible que Nombre 11 s'inspire donc de ce texte. Le Collège de France et France Culture vous présente l'exégète philologue Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui le livre des nombres, la chair ou l'esprit, deux récits de contestation. Alors, la fin de ce grand discours de Moïse, « Si tu agis ainsi avec moi, tue-moi, fais-moi mourir, si je trouve grâce à tes yeux, pour que je ne voie pas ta méchanceté. » Ça, ça ne se trouve pas comme ça dans le texte massorétique. Dans le texte massorétique se trouve « pour que je ne voie pas mon malheur ». C'est clairement une correction. Le texte massorétique est clairement une correction. Et c'est probablement un de ces cas qu'on appelle les tikkuné soferim, correction de scribe. Alors selon la tradition, en fait, évidemment, les massorètes qui ont vocalisé le texte hébreu n'ont jamais altéré le texte hébreu, même si ça les embêtait. Alors ils ont fait la différence entre le ketiv et le keré, ce qui est écrit, ce qu'il faut prononcer, tout en laissant le texte consonantique. Mais la tradition dit qu'il y a 18 cas dans le Tanakh, dans la Bible, où il y avait des versets tellement gênants qu'ils ont manipulé, changé, altéré le texte consonantique qu'ils avaient trouvé. Malheureusement, on n'a pas de liste de ces 18. On sait qu'il y avait 18, disons, on sait, la tradition nous dit qu'il y avait 18, hein, et beaucoup de commentateurs, déjà rabbiniques, disent, en effet, là, c'en est un. Et je pense là, ils ont raison, parce qu'on comprend très bien pourquoi on a changé pour que je ne vois pas ta méchanceté en pour que je ne vois pas mon malheur. Donc ça, je pense, on peut assez facilement comprendre. Donc, je pense en effet que là, dans le texte originel, c'était ça que Moïse, en fait, souhaite mourir, ce qu'on trouve aussi, par exemple, pour Élie, Élie qui est fatigué et qui veut mourir, n'est-ce pas, mais qui accuse pas Dieu directement de méchanceté. Donc là, maintenant, donc, on a, après, des images qui évoquent la vie, la mère, la naissance, la nourrice. Maintenant, des images donc de mort. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il n'y a pas de réaction de la part de Yahvé. Yahvé ne se met pas en colère contre cette demande de Moïse. Au contraire, il réagit, mais en annonçant en fait le don de l'Esprit. Il dit qu'il faut rassembler 70 anciens. 70, bah, c'est la totalité. Par exemple, à Ougarit, El et Asherah, ils ont 70 fils. Et on trouve donc l'idée que le 70 anciens, qu'on a par ailleurs aussi, c'est d'une certaine manière les représentants de l'ensemble du peuple. C'est peut-être précédé par d'autres institutions. En 2 Rois 10, on parle de 70 fils du roi. Mais est-ce que c'est des fils biologiques? Alors c'est un roi très actif, mais tout est possible. Mais c'est peut-être un titre aussi, hein, un titre pour des gens qui sont très proches du roi. Hein. On a ça aussi dans une inscription du 8e siècle de Sincerli. On parle de 70 frères de la maison royale. Donc c'est plutôt là une sorte de titre pour une certaine position. En Ézéchiel, on parle encore une fois de 70 anciens, en les accusant en fait de vénérer toutes sortes d'images d'autres divinités. Donc apparemment, il y avait quand même l'idée, à partir de l'époque perse, que le peuple pourrait être représenté par 70 anciens, ce qui après va aboutir dans l'idée du Sanhédrin. Du Sanhédrin qui, en fait, rassemble 70 plus le chef, souvent, hein, et qui est mentionné, en fait, directement pour la première fois chez Flavius Joseph. Donc, peut-être ces textes de 70 anciens ont même inspiré, d'une certaine manière, l'institution du Sanhédrin. Les textes qui sont le plus proches par rapport à ce qui va se passer en nombre 11, c'est le texte d'Exode 24. Exode 24, c'est aussi un texte tout à fait intéressant où on va, en effet, Moïse, Aaron et ses fils et 70 anciens qui montent et qui voient le Dieu d'Israël. Quand même assez incroyable. Ils voient le Dieu d'Israël. Et on va dire, voilà. Et on dit, contre ces privilégiés, Atsilim, donc Dieu va pas les sanctionner parce qu'ils ont vu Dieu. Donc ils sont des privilégiés, des Atsilim. Et ce qui est intéressant, cette racine qui est pas très fréquent, la racine Atsal, vous l'avez également au nombre 11, parce que là, il est dit, il prélèvera. Donc Atsalim, c'est ceux qui sont en fait les privilégiés, qui sont prélevés du reste du peuple. Et ici, on va avoir la même racine. Yahvé va, Atsal va prélever en fait de l'esprit de Moïse pour le donner à ses 70 anciens. Donc c'est pas l'esprit de Yahvé, c'est l'esprit de Moïse qui est donné aux 70 anciens. Et ça, vous l'avez par exemple avec la succession de Élysée, donc l'idée que Yahvé a mis l'esprit, ça, encore brièvement, que Yahvé a mis l'esprit sur Moïse, vous le trouvez dans ce texte un peu compliqué de Ésaïe 63. Donc Yahvé met son esprit en Moïse comme il a mis son souffle dans le premier être humain. Donc c'est une sorte de démocratisation, d'une certaine manière, des compétences de Moïse, ou une succession, hein, aussi une succession, parce que les 70 anciens sont des successeurs. Alors, tout cela se passe dans la tente de la rencontre, et la tente de la rencontre, en fait, il y a deux conceptions. Dans les textes sacerdotales, l'attente de la rencontre au Ohel Moed se trouve à l'intérieur de l'enceinte du sanctuaire, hein, alors que dans les textes non-paix, c'est à l'extérieur du camp. Hein. Donc, en fait, c'est un lieu où il n'y a pas de clergé pour ces textes-là. C'est un lieu laïque, d'une certaine manière. Il n'y a pas de lévite, il n'y a pas de prêtre qui s'occupe de l'attente de la rencontre. Au nombre 11, c'est le lieu où les 70 anciens vont recevoir le don de l'esprit de Moïse. Et donc, du coup, ben, on peut se poser la question telle qu'elle s'est la posée John Van Seters, grand exégète, un des exégètes plus importants du siècle dernier, qui a émis l'hypothèse que l'attente de la rencontre dans les textes non-paix, post-paix, hein, reflète peut-être l'origine du culte synagogal à l'époque perse. C'est un peu, au niveau architectural, c'est très difficile de dire quelles sont les premières synagogues, parce que ce n'est pas des bâtiments sacrés. Donc les premières synagogues qu'on peut identifier, c'est 2e siècle avant l'ère chrétienne. Mais ça a probablement commencé avant. Et Van Seters pense que les textes qui parlent d'une tente de la rencontre qui est séparée justement du sanctuaire, hein, qui est laissée aux prêtres, que en fait cette vis-à-vis que vous avez dans les textes tardifs entre le Mishkan, le sanctuaire portable, qui représente du coup le temple de Jérusalem, et le Ohel Moed, ce serait justement une manière de inscrire dans les textes cette dichotomie entre le temple avec le culte sacrificiel et le culte synagogal. Donc, en plus, ça, c'est tout à fait la réalité du judaïsme naissant, hein, à partir de l'époque perse. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Donc, je pense que c'est une bonne théorie de voir derrière ces Ohel Moed, une sorte de proto-synagogue. Et Moïse, en fait, en quelque sorte, là, le premier chef de la synagogue. Les anciens, ben les anciens, c'est probablement ceux qui se sont ici donné une sorte de légitimation comme étant les successeurs de Moïse. Peut-être ceux qui après, vont siéger dans le Sanhédrin, qui ici se légitiment par donc l'idée d'être les successeurs de Moïse. Dans cette histoire du don de l'esprit, vous avez donc les anciens dont on va dire qu'ils se mirent à prophétiser et ils n'arrêtèrent pas, hein, ou ils ne continuèrent pas. Donc là, vous avez aussi deux versions différentes. Et probablement là aussi, on peut se dire que dans la version originelle, vous avez en effet l'idée que les 70 anciens sont en effet maintenant établis comme étant les dignes successeurs de Moïse. Et à la suite de cela, on aurait donc voulu insister quand même sur le fait que Moïse, c'est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas remplacer aussi facilement. Donc, du coup, on avait l'idée, en fait, qu'il s'agit là plutôt d'un événement qui n'a pas duré. Donc là, probablement aussi, de nouveau, une sorte de correction. Et après, interviennent ces deux personnages Eldat et Medat. Vous vous souvenez, on dit en fait, Eldat et Medat étaient dans le camp, ils n'étaient pas sortis, et l'esprit tomba quand même sur eux. Et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Et Josué, dont on va nous dire, Josué, qu'il est le serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, va-t-on dire, expression aussi assez singulière que nous avons ici pour Josué. Donc de Josué, on va dire qu'il vient voir Moïse et il dit à Moïse, arrête-les. Et Moïse dit, mais pourquoi ? Pourquoi es-tu jaloux pour moi ? Si tout le peuple était un peuple de prophètes sur lequel Yahvé mettrait son esprit. Et là, évidemment, ça fait penser à des textes comme dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, chapitre 3, on va dire « À la fin des temps, Yahvé va donner son esprit sur tout le peuple et vos jeunes gens, vos anciens, tout le monde va prophétiser. » Donc l'idée qu'à la fin du temps, il n'y a plus besoin de prophètes, il n'y a plus besoin d'intermédiaires, tout le peuple de Yahvé sera un peuple de prophètes. Et Moïse, dans cet épisode-là de Eldat et Medat, va en effet faire le porte-parole de cette idée d'une démocratisation de la prophétie. Eldat et Medat, c'est pas très bien ce que veut signifier ces noms. C'est la racine qui est la même que pour David, bien aimé. Eldad, c'est peut-être El, le dieu El aime, ou aimé de Dieu, Medat, même racine. Donc c'est sans doute une sorte de code pour un groupe charismatique de prophètes qui revendiquent, et puis on le voit dans plusieurs textes que ça crée parfois des problèmes, donc qui revendiquent en fait cet libre accès à l'esprit. Alors qu'après, dans le judaïsme, on va avoir une idée très, très différente. Dans le judaïsme, après, on va avoir l'idée que la vraie prophétie ou le vrai prophète, c'est qui ? C'est un prophète mort, c'est-à-dire un prophète dont on a les rouleaux, avec l'idée qu'à l'époque perse, la prophétie s'arrête. Ça, c'est quelque chose que vous allez trouver dans le Talmud après. Et là, vous avez plutôt une revendication quand même d'un groupe prophétique qui, en effet, dit non, la prophétie, elle continue. Et Moïse est récupéré d'une certaine manière pour faire l'apologie de ce type, en fait, de prophétie. Donc, une sorte de petite niche qu'on a trouvée ici pour l'idée d'une continuation de la prophétie via ces deux figures de Eldat et Medat. À la suite de cet épisode, donc, qui légitime cette prophétie, on revient maintenant à la question de la viande, avec donc maintenant l'idée que le peuple doit se sanctifier. Ça, c'est normal pour se préparer à la rencontre avec le divin. Et si vous prenez les versets 18 à 20, vous voyez que là aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, parce que d'emblée, en fait, l'annonce de la viande est présentée comme une punition divine. Ce qui ne va pas très bien après avec les questions de Moïse, qui demande « mais où est-ce que je vais prendre la viande ?» etc. Donc, c'est assez clair que cette annonce du jugement vient trop tôt, car au verset 21, Moïse va justement se poser toutes sortes de questions qui ne font plus de sens après le verset 19 et 20, donc qui, en effet, sont sans doute un ajout qui introduit en fait ce thème qui est celui de la nostalgie de l'Égypte. Le thème de la nostalgie d'Égypte est un thème qui parcourt, alors je ne veux pas, n'ayez pas peur, donc c'est juste un schéma pour vous montrer ce thème qui commence en Exode 14 et qui va jusqu'à Nombre 21, donc jusqu'au dernier récit de rébellion dans le livre des Nombres. Et ce qui se passe chaque fois, le peuple pose la question « Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte. On accuse Yahvé ou Moïse de vouloir laisser mourir le peuple en Égypte. Et donc, du coup, ça fait tout un lien entre le premier, ou disons le début de la sortie d'Égypte, à savoir la traversée de la mer en Exode 14, jusqu'au dernier récit de révolte en Nombre 21. Le texte le plus proche, en fait, c'est celui de Exode 17. Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Alors, qu'est-ce qui se trouve là derrière ce thème, en fait, de la sortie qui est mise en question, la sortie d'Égypte? Probablement, au niveau historique, ça reflète le refus d'une partie des exilés qui ne voulaient pas rentrer dans le pays à l'époque perse. Parce qu'en effet, plusieurs textes bibliques montrent en fait que malgré la possibilité qu'avaient les gens installés à Babylone, en Égypte ou ailleurs, de rentrer en Palestine, bah, ils se trouvaient beaucoup mieux là où ils étaient et donc refusaient d'une certaine manière de faire cette montée. Et c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, cette question elle est reprise un peu pour refléter cette interrogation. Et si vous lisez attentivement ces textes, pourquoi, ben vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais donné de réponse à cette question. Le peuple pose toujours la question pourquoi. Et sur le plan narratif, il n'y a jamais ni Moïse ni Yahvé explique. C'est pourquoi. Donc, du coup, c'est une question qui reste ouverte, qui est constamment posée et qui, du coup, reflète peut-être aussi ce débat qui, d'une certaine manière, est un débat que vous avez dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière. Ben, tout le monde peut aller en Israël, mais tout le monde n'a pas forcément envie. Et donc, ça, c'est quelque chose qui commence déjà là. Et ce qui est très intéressant, en fait, que cette question qui est posée reste sans réponse, et donc d'une certaine manière on peut dire c'est à chaque destinataire de ce texte de trouver sa propre réponse, de savoir s'il se met de côté de ceux qui se posent la question ou s'il monte tel que probablement c'est souhaité ou sous-entendu. Donc Moïse, donc, qui va poser en fait la question d'où est-ce qu'il va prendre cette viande pour le peuple, où est-ce que Dieu va pourvoir tout cela, je vous le rappelle simplement. Donc Moïse dit, mais comment peut-on faire, même si on abattrait tout le grand petit bétail, on n'aura pas assez. Même si on allait pêcher en plein désert, c'est un peu difficile, du poisson partout, ça ne suffira pas. Et Yahvé répond, mais est-ce que tu penses que mon bras ou ma main, c'est la même chose en hébreu, yad, que mon bras sera trop court? Et cela aussi est intéressant parce que si vous lisez le deuxième Ésaïe de nouveau, vous constatez que souvent on dit non, le bras du Seigneur n'est pas trop court. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient dit ah, il est bien court le bras du Seigneur. Donc c'est-à-dire que suite à la destruction de Jérusalem, l'exil, il y avait beaucoup de gens qui avaient douté quand même de la capacité de Yahvé de s'occuper de son peuple. Et donc, là, du coup, c'est un peu la réponse à ça. Sans doute, il y avait aussi une sorte d'adage. Bon, nos os sont desséchés et le bras de Yahvé est le bien court. Hein? Et puis, deuxième, Ésaïe dit non, c'est pas le bras de Yahvé, c'est pas du tout trop court. Vous allez voir ce qu'il va faire. Et donc, ce dialogue avec Moïse, en fait, va un peu dans ce sens-là. Alors, maintenant, Yahvé va annoncer, en fait, l'écaille qui va arriver. Maintenant, le lien avec la question de la prophétie est fait par le thème du ruach. Ruach qui est utilisé maintenant ici, non pas dans le sens de l'esprit, mais dans le sens du vent. Hein. Le vent qui fait venir l'écaille et qui les abat dans le camp des Hébreux. Alors, les écailles sont bien connues en Égypte. C'est peut-être une petite réminiscence, même, ben, vous voulez la viande de l'Égypte, hein, on va vous donner la viande de l'Égypte. Hein, parce que l'écaille, ben, vous avez là un poussin de caille qui sert dans l'écriture hiéroglyphique. Hein, un poussin de caille, c'est la lettre W, comme le vav, le ou, hein, pour le pluriel, etc. Et puis là, vous avez un autre relief. On a l'impression que des cailles sont utilisées aussi pour des offrandes. Donc c'est en effet une nourriture appréciée et très connue en effet en Égypte, parce que ces oiseaux sont assez faciles à attraper, ils sont un peu gras, hein, et donc ils volent la nuit, puis ils sont un peu fatigués, ils se laissent assez facilement capturer, comme c'est aussi présenté dans cette représentation égyptienne. Dans la Bible, les cailles ne sont pas trop fréquemment mentionnées, et toujours en lien avec la manne. Donc ça fait toujours couple, avec évidemment là aussi l'idée qu'il y a une sorte de quantité immense qui s'abat sur le camp, entre 300 et 400 litres. Mais enfin, donc tout l'idée c'est de montrer en fait l'abondance, mais une abondance dont le peuple ne peut en effet profiter, puisque on dit qu'ils n'avaient même pas encore commencé à manger, qu'il y avait un coup de Yahvé qui, en fait, les frappa. Ce coup n'est pas précisé, c'est le même terme qui est utilisé déjà en Genèse 12, lorsque Yahvé va frapper la maison de Pharaon, et ensuite dans le récit des plaies. Donc, c'est simplement pour dire que Yahvé peut bien donner, le bras de Yahvé n'est pas trop court, mais il laisse aussi libre cours à sa colère. Et donc, on se termine avec, disons, l'étiologie de ces Kivrot HaTaava, les tombeaux de la convoitise, qui est en effet le thème avec lequel le récit s'est ouvert, pour ensuite avoir l'itinéraire qui les amène donc à Hatzerot, de Kivrot HaTaava, donc du tombeau de la convoitise. Ils arrivent à Hatzerot. Il ne faut pas chercher ces lieux sur une carte. Ah ben, il y a des gens qui le font. Mais on voit très bien, en fait, que là, on construit une géographie imaginaire. On construit une géographie imaginaire. Donc, on passe des tombeaux de convoitise, donc qui introduit déjà le début de la fin de la première génération, jusqu'à Hatzerot. Hatzerot, c'est n'importe où, parce que Hatzer, c'est simplement des villages ouverts, des villages sans fortification, des habitations. D'où va, en effet, partir aussi le récit suivant. Donc, ce premier récit de rébellion se comprend donc à la fois donc, comme une critique de cette demande de confort de la part du peuple, qui peut aussi refléter un certain nombre de problèmes peut-être économiques à la fin de l'époque perse, tout en légitimant avec cette réécriture l'institution des anciens, probablement il y a eu autour du temple, donc il y avait le temple évidemment sous la direction de la classe sacerdotale, mais à côté il y avait sans doute une institution des 70 anciens qui se comprenaient comme les successeurs de Moïse et qui se légitiment ici. Du Collège de France, vous venez d'écouter le 30 mars 2017 la série de Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui le livre des nombres, la chair ou l'esprit, deux récits de contestation. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Je rappelle son livre « L'invention de Dieu » au Seuil en 2014 et chez Bayard en 2016 avec Albert de Purie et Conrad Schmitt, « L'Ancien Testament commenté, la Genèse ». Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivons en compagnie de Thomas Römer sa série intitulée « Israël dans le désert ». Il analysera la contestation de Myriam et d'Aaron, les frères et sœurs de Moïse. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.